Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 7e chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir quelles sont les fonctions de l'oubli. Fadjet, les ondes positives. L'oubli n'est autre chose qu'un palimpseste, écrivait Victor Hugo. Pour entrer dans cette citation, il faut visualiser le palimpseste comme un parchemin sur lequel figurent des textes anciens et que les copistes du Moyen-Âge effaçaient pour réécrire directement dessus. Le palimpseste, c'est l'ardoise de l'élève qui sans cesse se blanchit de craie pour inlassablement se faire laver de sa mémoire. Mais n'avez-vous pas souvenir de ces toutes petites traces qui, quoi que l'on fasse, quel que soit l'acharnement qu'on met à les frotter, ne disparaissent qu'à moitié et viennent peindre sur le tableau d'écolier une toile émouvante de ces choses qui ne veulent pas s'effacer. Oublier, nous en sommes parfois capables alors que nous souhaitons nous souvenir, et parfois incapables alors que nous rêverions d'effacer certains passages de notre mémoire. Est-il réellement possible d'oublier? Que peut nous apporter l'oubli et comment l'atteindre? Et si l'oubli n'était pas qu'une déficience de la mémoire, mais une perte nécessaire? Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un poète contemporain français qui sait mieux que personne magnifier le quotidien. Cette voix, c'est celle de Christian Bobin. Mon père a séjourné un an dans une de ces maisons dignes de figurer au patrimoine de l'inhumanité. Jamais son visage ne s'est éteint. Je ne crois pas à ce qu'on dit. Ils ne nous reconnaissent plus. Reconnaître, c'est aimer. Et aimer, c'est sauvage, indicible. Quand mon père ne savait plus rien de moi, il savait encore qui j'étais. Je le sentais, je l'éprouvais. Et ce qu'on éprouve est plus grand que tout ce que nous dit la science. Ne trouvant plus les prénoms, il rusait. Interrogé sur moi, il répondait « C'est celui qu'on n'oublie pas. Et sur ma mère, c'est la meilleure. Ces oublieux n'oublient rien d'essentiel. C'est ce qui les distingue de nous. » Dans certains cas, cependant, l'oubli peut être une peine terrible, infligée à certains condamnés. « Damnatio memoriae », c'est ainsi que l'Antiquité nomme ce châtiment. La damnation de mémoire. Ainsi, dans l'Égypte ancienne, la pharaone Hatshepsut et le pharaon Akhenaton ont notamment subi ce sort. Leurs noms ont été effacés, leurs statues défigurées et leur histoire annihilée. Cependant, force est de constater que le vœu de leur bourreau n'aura pas été exaucé, puisqu'encore aujourd'hui, ces deux noms de dirigeants hors normes figurent en bonne ligne des livres d'histoire. Les ondes positives sur Fadjet. Le souvenir se forme à partir de perceptions opérées par nos sens. Une fois encodées, ce souvenir va soit être transféré à notre inconscient, qui va les emmagasiner de manière différente, soit rester en surface et finir par s'évaporer. Freud maintient que conscience et mémoire s'excluent. Chaque fois qu'arrive une perception, la conscience s'éveille et l'accompagne sans l'inscrire jusqu'à l'inconscient, qui l'engrange au grenier des traces mnésiques. Deux systèmes diffèrent, conscient et inconscient, sont les gardiens de la mémoire et de l'oubli. Le premier reçoit les perceptions sans en garder trace et les conduit jusqu'au second, qui les inscrit et en garde des traces durables. Dans notre cerveau, l'acte d'oublier est donc souvent un processus passif, dans lequel le souvenir s'échappe tout simplement de notre boîte crânienne. Ce phénomène est ce que l'on appelle un pur oubli, une opération de la conscience. Parfois encore, le souvenir peut être déformé, modifié ou enfermé. Mais l'oubli peut également être un acte délibéré, utile pour contrôler des souvenirs non désirés. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la meilleure manière de trouver comment oublier. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction la Chine ancestrale, pour rencontrer Meng Po. Meng Po signifie littéralement « la vieille dame », qui incarne, dans la mythologie chinoise, la figure de la déesse de l'oubli. Meng Po réside dans le 10e niveau du royaume des morts et siège au 10e tribunal. Lorsque nous mourons, selon cette croyance, Meng Po se présente à nous pour veiller sur nos âmes. Alors que nous traversons les différents niveaux du territoire des morts, la vieille femme s'affaire à cueillir des herbes en bordure d'étangs et de ruisseaux du monde terrestre, afin de les mélanger dans une potion connue sous le nom de thé aux cinq arômes de l'oubli. Une fois arrivée devant Meng Po, cette dernière nous sert ce breuvage. Immédiatement après l'avoir ingéré, nous sommes pris d'une amnésie instantanée et surtout permanente. Notre mémoire est ainsi purgée, lavée de ses péchés et de ses souvenirs. Notre âme peut alors se renvoyer sur Terre pour intégrer un nouveau corps et démarrer un nouveau cycle de vie. Alors peut-être que si, comme Hugo nous le disait en ouverture de cette chronique, la mémoire n'était qu'un palimpseste, le fameux breuvage n'aurait pas toujours réussi à effacer la totalité des traces de notre ardoise. Ce qui, selon la légende, ferait écho à celles et ceux qui détiennent en eux des souvenirs qu'ils n'ont pour autant jamais vécus. N'est-ce pas Julien Green qui disait « L'oubli est une grâce ». Concluons avec Friedrich Nietzsche qui nous fait part de sa vision active de l'oubli. Faire silence un peu, faire table rase de notre conscience, pour qu'il y ait de nouveau de la place pour les choses nouvelles et en particulier pour les fonctions et les fonctionnaires plus nobles pour gouverner, pour prévoir, pour pressentir. Voilà, je le répète, le rôle de la faculté active d'oubli. Allez, petit exercice. Imaginons-nous à l'extérieur, dans un champ, avec le ciel pour seule limite. Face à nous, une montgolfière énorme. Détaillons alors sa couleur, sa forme, son aspect. Une fois arrivés là, laissons-nous le choix. Dans le sac à dos qui alourdit nos épaules se trouvent de nombreux souvenirs, ressentis, ruminations du passé. Nous pouvons aujourd'hui les déposer au sol et décider de prendre la montgolfière et s'envoler très loin, ou les déposer à l'intérieur du panier de l'engin pour les laisser s'éloigner de nous. Choisissons ce qui nous convient le mieux et faisons le tri dans ce que nous voulons et ce que nous pouvons laisser partir. À quel souvenir douloureux sommes-nous prêts à rendre sa liberté et en même temps à nous octroyer la nôtre? Voilà, maintenant que nous avons cultivé notre faculté d'oubli, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il découvrir comment nous détacher des choses. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.